Je n'appartiens pas au cercle des philosophes. Mon métier, si l'on peut dire, c'est la théorie politique. Quoi de mieux que de commencer l'année avec la philosophe de la natalité, Hannah Arendt. Hannah Arendt qui voyait dans la naissance le miracle qui sauve le monde de la ruine normale, naturelle. Alors certes, elle s'est défendue d'en être, philosophe, et certes la naissance ne se réduit pas uniquement au fait d'être née. Mais l'important est là, et dit tout au long des 400 pages de sa condition de l'homme moderne, seule l'expérience totale de cette capacité d'agir, de commencer à nouveau par droit de naissance, peut octroyer aux affaires humaines la foi et l'espérance. Des ressources de l'action plurielle et commune pour ne pas sombrer dans les extrêmes, voici donc la bonne nouvelle pour ouvrir cette année 2022. Mais d'abord, petit retour vers le passé en 1957. On connaissait depuis longtemps, au moins de vue, le satellite mis au point aux États-Unis. Et brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures. Aussitôt, les antennes scrutaient le ciel. Limour est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistrés, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles, car cet appel strident sollicite étrangement l'imagination. En attendant, le satellite continuait sa ronde, suivi de la dernière partie de sa fusée de lancement. Et les hommes scrutaient naïvement le ciel pour essayer de voir l'étonnante chose qui les inquiète et qui les émerveille. Bonjour Carole Wienmeyer. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université de Franche-Comté. Vous êtes autrice de « Fin de la philosophie politique ?» Hannah Arendt contre Léo Strauss, c'est aux éditions CNRS. Et vous avez dirigé la nouvelle édition française, nouvelle traduction augmentée et annotée de « Qu'est-ce que la politique ?», un texte d'Hannah Arendt aux éditions du Seuil. Alors on l'a entendu avec cette archive incroyable de 1957. Tout commence par le lancement en 1957 du premier satellite artificiel autour de la Terre. Pourquoi Hannah Arendt ouvre-t-elle sa condition de l'homme moderne avec ce lancement? Alors en fait, Condition de l'homme moderne est publiée en 1958 et il faut comprendre un petit peu le contexte de cette publication et plus exactement les raisons philosophiques qui ont poussé Arendt à aborder cette affaire de la condition humaine. Condition de l'homme moderne, c'est une traduction française d'un ouvrage qui est The Human Condition. Donc il s'agit d'aborder l'humanité sous l'angle de sa condition et de son conditionnement. Alors ça veut dire quoi, condition? Et puis ça nous semble quand même un projet assez ambitieux, la condition. Oui, c'est ambitieux, mais alors justement le contexte c'est ça. On a la conquête de l'espace d'un côté, on a la bombe atomique de l'autre. Donc deux événements techniques. Et il s'agit de comprendre précisément comment ils font événement. Et comment ils traduisent ou ils expriment quelque chose qu'on pourra appeler une époque. Alors il ne s'agit pas pour Arendt d'aborder simplement la question des modifications technologiques, mais là on a affaire à deux événements qui laissent entendre que les conditions fondamentales de l'existence humaine pourraient être amenées à être modifiées. Destruction possible de la nature comme condition essentielle par la bombe atomique, on peut tout détruire. Et par ailleurs, il s'agit d'atteindre quelque chose comme les conditions d'une existence en dehors de la Terre, une existence extraterrestre. En réponse à ça, pour Arendt, il s'agit de penser cette condition humaine, essayer de trouver aussi des ressources pour, et ça elle le dit très souvent, réussir à penser, non pas savoir ou connaître, mais penser ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est vrai que c'est le prologue, c'est ce qu'elle annonce dans le prologue. Ce que nous faisons, c'est vraiment l'objet de ce livre-là, ce qui veut dire qu'elle évacue d'emblée la pensée. Et ça, c'est quand même une idée sur laquelle, une distinction sur laquelle on peut revenir dans le prologue, qui est qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est l'action, l'activité, ce qu'elle va appeler la vita activa. Alors déjà, la Vita Activa, c'est pas seulement l'action. Ça, c'est ce qu'on va en parler dans un instant. C'est sûr, la triade inaugurale de Conditions de l'homme moderne. Donc après ce prologue, donc le premier chapitre, commence par la présentation de trois grandes activités humaines, le travail, l'œuvre, l'action. Ces trois activités constituent un ensemble qu'elle appelle justement Vita Activa, qui vient se différencier d'un autre ensemble qui est la Vita Contemplativa. La vie contemplative, c'est essentiellement tout ce qui relève du savoir, de la connaissance et d'une attitude sans mouvement par rapport au réel, où on essaye d'atteindre une représentation, mais d'être dans une saisie, non pas du mouvement ou de la mobilité ou des processus qui se jouent, mais une saisie de l'éternité. Alors, je pense que c'est faux de dire que Arendt évacue la pensée. Alors, elle l'évacue dans la mesure où elle dit, voilà, on a une autre activité que le travail, l'œuvre et l'action, c'est la pensée. La pensée est aussi une activité. Je ne vais pas en traiter dans ce volume-là. Et puis, elle en traitera plus tard, bien plus tard, dans La vie de l'esprit, où elle parlera de penser, vouloir, juger, qui sont trois manières, justement, d'être actif mentalement, en quelque sorte. Donc la pensée n'est pas l'objet de son discours dans Conditions de l'homme moderne. En revanche, je crois que c'est, et ça c'est une vraie question qui se pose à la lecture, une question presque permanente et qui apparaît en tout cas dès le début de manière assez radicale, c'est la question de savoir de quel point de vue parle Arendt. Et en fait, on a entendu d'ailleurs en ouverture, je vous coupe, Carole oui. Wiedemeyer, on a entendu la voix très rapidement d'Anna Arendt. C'était une archive du 28 octobre 1964 où elle dit « Je n'appartiens pas au cercle des philosophes, je me définis comme théoricienne politique ». Voilà, alors justement, à cette époque-là, elle parle en non-philosophe. Donc plus exactement, elle se déprend de l'attitude philosophique qui consiste précisément à regarder les choses du point de vue de l'éternité et à essayer de constituer l'homme en objet de connaissance, en objet d'éternité, en fait, en objet éternel, en objet de connaissance, en forgeant des concepts qui sont des concepts de nature humaine. Alors, elle se défait de ça, mais je dirais, pour traiter cette affaire du point de vue selon lequel elle travaille, justement, les activités humaines, ce point de vue, c'est celui de la pensée. Et c'est pas un point de vue, c'est une activité elle-même. Donc, en fait, elle travaille ou elle aborde les grandes activités de la Vita Activa, du point de vue d'une activité, elle aussi, qui est l'activité de la pensée, qui est mise en relation de plusieurs dimensions, de plusieurs strates. Et donc, dans Conditions de l'homme moderne, il s'agit d'essayer de comprendre, de faire émerger du sens, de saisir une pluralité de sens, plutôt que d'énoncer la vérité de ce qui est, la vérité de ce qui advient. Penser plutôt que connaître, comprendre plutôt que connaître, privilégier le sens par rapport à une vérité qui relève de l'éternité et non pas du mouvement même de l'existence. Ce qui est une double originalité, puisque d'une certaine manière, elle rompt avec la tradition philosophique dans sa manière de faire, mais aussi, elle s'intéresse à un domaine qui jusque-là était plutôt abandonné, c'est-à-dire la Vita Activa, c'est-à-dire, on va le voir, la triade, comme vous l'avez dit, Carole Wiedemeyer, entre travail, œuvre et action, qui était souvent délaissée plutôt pour la contemplation, le ciel des idées éternelles, ou même Aristote qui va dire que seule la vie du philosophe est valable. Bon, alors Aristote dit pas que seule la vie du philosophe est valable, mais que disons qu'il faut tendre à cette vie-là. Voilà, la vie du philosophe est la plus valable. Ça, par contre, c'est vrai. Et c'est du vrai coup, que c'est une distinction importante. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Et ce qu'Arendt fait, enfin, le geste qui est le sien, consiste à dire, voilà, on regarde la Vita Activa traditionnellement dans la philosophie du point de vue de la contemplation. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, on implique une hiérarchisation qui se remet jamais en question entre vie contemplative et vie active. La vie contemplative est considérée comme supérieure à la vie active. On crée en même temps une dichotomie, donc on empêche la relation entre les deux dimensions. Et la pensée, elle, au contraire, crée de la relation entre ces deux dimensions en abandonnant la position de contemplation. Et surtout, le point de vue de la vie contemplative nous fait perdre de vue, et ça c'est crucial, les différences au sein de la vie active. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer la vie active comme un tout indéterminé. On a les hommes qui s'affairent, et puis on a ceux qui contemplent. Alors qu'en fait, cet affairement, ou cette manière d'être actif dans le monde, elle est plurielle. Et le geste d'Arendt, et ça c'est constant dans toute sa pensée, dans toutes ses œuvres, consiste à favoriser toujours le pluriel contre l'un. André Honegren, qui est l'un des premiers grands commentateurs d'Arendt, avait parlé de l'horreur de l'un qu'on trouve chez Arendt. Et en fait, on a un choix affectif aussi pour la pluralité. C'est de cette pluralité qu'il s'agit toujours de rendre compte. Alors, il faut aussi signaler, Caroline Meyer, que la lecture de la condition de l'homme moderne peut parfois être difficile. Elle est à la fois extrêmement facile, presque, j'ose dire, parce que elle nous parle encore aujourd'hui. On repère des choses dans lesquelles on se retrouve, notamment, on le verra, hein, l'intimité, les petites choses de la vie, les petits bonheurs. Et puis, en même temps, elle est extrêmement difficile à suivre parce que, justement, elle a cette horreur de l'un. Donc, c'est tout un ensemble de distinctions qu'il faut avoir en tête et qui sont sans cesse reprises dans son texte. Donc avant d'écouter le premier texte de cette condition de l'homme moderne, j'aimerais que vous nous parliez, Caroline Meyer, justement du style d'Hannah Arendt dans ce texte. Ah ben vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça. On a un effet premier, enfin en tout cas ça a été mon expérience de lecture, un effet premier de simplicité parce que tout est parlant, tout... temps à éclairer au moins partiellement notre actualité. On se retrouve dans plein de choses. Et puis, on a un deuxième effet de lecture qui vient en général d'une deuxième lecture où là, on a l'impression de sombrer dans la complication. Et en fait, elle s'efforce sans arrêt de distinguer et les distinctions sont jamais des séparations, sont jamais définitives. Elle pluralise constamment. Aussi comme si elle voulait tout dire à chaque instant. Et ça, c'est la difficulté hein, qu'il y a et qu'elle a exprimée à plusieurs reprises, de passer précisément de la pensée à l'œuvre. Et c'est ce qui se passe quand on écrit. On pense, hein, c'est un mouvement incessant, évanescent, et puis il faut transformer cette pensée en œuvre, faire œuvre à partir de cette pensée, et c'est extrêmement difficile, et on veut tout mettre. En tout cas, la richesse de l'expérience de lecture ou des expériences de lecture d'Arendt, elle tient au fait simplement que, je ne sais pas comment dire, la compréhension, l'intelligence, elle transparaît à chaque ligne. Et ça, c'est le cas dans tous ses écrits, en particulier à partir du moment où ses écrits sont devenus politiques. Et on peut le lire à n'importe quel moment de son existence, on y trouvera toujours de nouvelles choses. Alors je vous propose, chers auditeurs, chères auditrices, d'écouter un extrait de La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt, dont nous parlons toute cette semaine. Et aujourd'hui, nous parlons notamment du premier chapitre qui s'appelle La condition humaine, mais aussi du deuxième chapitre qui est sur le domaine privé-public. Mais donc d'abord, un extrait du premier chapitre. Je propose le terme de « vita activa » pour désigner trois activités humaines fondamentales. Le travail, l'œuvre et l'action. Elles sont fondamentales parce que chacune d'elles correspond aux conditions de base dans lesquelles la vie sur Terre est donnée à l'homme. Le travail est l'activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont la croissance spontanée, le métabolisme et éventuellement la corruption sont liées aux productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital. La condition humaine du travail est la vie elle-même. L'œuvre est l'activité qui correspond à la non-naturalité de l'existence humaine, qui n'est pas incrustée dans l'espace et dont la mortalité n'est pas compensée par l'éternel retour cyclique de l'espèce. L'œuvre fournit un monde artificiel d'objets, nettement différent de tout milieu naturel. C'est à l'intérieur de ces frontières que se loge chacune des vies individuelles, alors que ce monde lui-même est destiné à leur survivre et à les transcender toutes. La condition humaine de l'œuvre est l'appartenance au monde. L'action, la seule activité qui mette directement en rapport les hommes, sans l'intermédiaire des objets ni de la matière, correspond à la condition humaine de la pluralité, au fait que ce sont des hommes et non pas l'homme qui vivent sur Terre et habitent le monde. Si tous les aspects de la condition humaine ont de quelque façon rapport à la politique, cette pluralité est spécifiquement la condition de toute vie politique. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc un extrait du premier chapitre « La condition humaine de la condition de l'homme moderne » d'Hannah Arendt, interprété par Hélène Losseur. Alors on l'a, la triade, la fameuse triade de la vita activa qui est le travail, l'œuvre et l'action. J'espère que vous avez pris des notes parce que ce texte est dense. Donc on a tout d'abord le travail, ensuite l'œuvre, ensuite l'action que Hannah Arendt nous décrit à chaque fois en nous précisant la condition humaine du travail et la vie elle-même, l'œuvre, la condition humaine de l'œuvre et l'appartenance au monde. monde. Et enfin, l'action, cette pluralité est spécifiquement la condition de toute vie politique. Pourquoi distinguer ces trois activités-là en particulier et pas d'autres choses? Pourquoi a-t-elle choisi celle-ci, Hannah Arendt? Et aussi, pourquoi les distinguer comme ça? Je dirais que oui, c'est ça la première question. On peut avoir, quand on découvre ce texte-là, c'est le tout début, quoi, à part le prologue, voilà, ça commence comme ça. C'est comme si on avait quelque chose de très arbitraire qui se trouvait posé là. On a une triade qui est jetée, on a des conditions qui sont jetées. Et en fait, évidemment, il n'y a pas d'arbitraire, mais on s'en rend compte quand on lit tout le reste. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme une matrice ici de sens qui est posée, et cette matrice, elle est elle-même extrêmement plurielle. Il s'agira de comprendre en effet les relations, les rapports entre les trois activités, de comprendre chaque activité dans les rapports qu'elle entretient avec ce qu'Arendt appelle les conditions fondamentales. Et ces rapports sont divers, on a un système de correspondance en fait qui s'établit là. Et dans cette correspondance, il va s'agir de raisonner d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans nos pratiques, on va raisonner avec différentes conditions. Et ces résonances, ça pourra être des consonances, donc ça raisonner, être des dissonances. Voilà, raisonner de résonance et non pas raisonner de la raison. Oui, bien voilà. Sûr, on parle de résonance. Voilà, on a un système de correspondance et des résonances multiples. Et dans ces résonances, il y aura des consonances et des dissonances. Alors en fait, cet arbitraire, ce n'est pas un arbitraire parce qu'il est productif et productif de sens, non pas productif de vérité. Ou c'est pas le début d'un processus de déduction, d'un procédé de déduction, mais c'est quelque chose qui est lancé et qui va produire du sens. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la vocation du coup de cette triade n'est ni une vocation normative ni une vocation descriptive. C'est-à-dire que Arendt ne cherche pas ici à établir une hiérarchie définitive entre travail, œuvre, action, même si elle a une préférence pour l'action et qu'elle va montrer tout le long quand même que l'enjeu, c'est de faire en sorte que les hommes puissent agir, qu'ils puissent produire du nouveau. Mais une existence n'est véritablement humaine que si elle consonne avec ces trois dimensions, avec ces trois conditions fondamentales. Elle dit notamment dans le deuxième chapitre qu'une vie qui serait uniquement publique ou qui serait uniquement politique serait une vie superficielle. Il faut être aussi en prise avec la nécessité, en prise avec la vie biologique. Donc forcément, il y a une préférence. Enfin, on le sait quand on lit Conditions de l'homme moderne, on se rend compte qu'il y a une préférence pour l'action. L'enjeu, c'est celui-là. Évidemment, il n'y a pas d'hiérarchie. Puisque tous les chapitres, en plus, tendent à ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord, le chapitre 3 va porter sur le chapitre 4 sur l'œuvre et le chapitre 5 sur l'action. Donc on se doute bien qu'il y a une sorte de point de culmination. Oui, il y a une montée en puissance. Voilà. Quoi, c'est sûr. Il y a une montée en puissance. Donc on a trois activités. Ces trois activités n'existent pas distinctes les unes des autres à l'état pur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, certains hommes ne font que travailler, d'autres ne font que œuvrer, ouvrer, fabriquer, d'autres ne font que agir. Il ne s'agit pas non plus de dire que tantôt on travaille, tantôt on œuvre et tantôt on agit. Dans chaque pratique réelle, il y a un peu de tout. Mais vous avez telle ou telle activité qui va être dominante. Ce qui est crucial ici, c'est que on a chez Arendt une mise en relation qui est posée justement dès le départ et qui fait qu'il ne s'agit pas d'un arbitraire, mais plutôt d'un mixte d'humilité et d'audace chez Arendt. On a ce qui est posé dès le départ, le fait que dans quelque activité que ce soit, vont s'articuler quelque chose qui relève d'un dehors de nous, de quelque chose qui nous conditionne, qui existe aussi en partie indépendamment de nous ou que nous allons peut-être partiellement faire exister, manifester, faire venir à l'existence. Il y a des traces de ces activités dans le monde, c'est-à-dire que les activités demandent en quelque sorte à être territorialisées ou spatialisées dans le monde. En même temps, ces activités, on se les représente. Et en même temps, ces activités, on en fait l'expérience au sens propre, c'est-à-dire qu'elles ont une dimension existentielle. Pour dire les choses simplement, qu'est-ce qui fait que Arendt distingue ces trois activités? Pourquoi cette distinction-là? Parce que dans toute pratique ou dans toute activité, on a la possibilité, presque de manière interne ou expérientielle, de faire la différence. quand on travaille, on n'a pas la même joie et la même peine qui sont associées à cette activité-là que quand on œuvre et que quand on agit. Les joies du travail ne sont pas les mêmes que les joies de l'œuvre ou de la fabrication, qui ne sont pas les mêmes que les joies de l'action et de la parole. La difficulté à entrer dans le travail n'est pas du même ordre que la peine qu'on peut avoir à entrer dans l'œuvre ou à entrer dans l'action. Mais ça peut très bien fonctionner pour certains types de travail, certains emplois. Mais par exemple, vous, Carole Wiedmeyer, quand vous êtes en train d'enseigner, vous avez l'impression plutôt de travailler, d'œuvrer en transmettant un savoir ou même d'agir, puisque c'est précisément une action commune qui va vous relier à un ensemble d'élèves qui va peut-être même créer une action nouvelle. Comment on arrive à dissocier voilà, à ce moment-là ? C'est un très bon exemple parce que justement, de mon expérience, hein, dans le moment de l'enseignement, je crois qu'on est dans l'action. Et d'ailleurs, justement, cette peine qu'on a, enfin le type de difficulté qu'on peut avoir à y entrer, c'est le trac. Et ce trac, il est spécifique à l'action, c'est-à-dire la prise de parole publique, le risque qu'on prend à la révélation. Ça, c'est la part d'action. Quand on écrit ou même quand on prépare un cours, on est dans l'œuvre. Et puis, avec cette difficulté dont je parlais tout à l'heure, à rigidifier en quelque sorte ou à transformer en œuvre ce qui relève d'un processus continu de la pensée. Et ça, c'est une souffrance particulière et c'est une joie particulière aussi quand on y arrive. Et puis, il y a la part de travail qui fait que, comme pour n'importe quel travail, on peut parfois rechigner, pas avoir envie. Parce que c'est un pur effort aussi. Alors est-ce que justement Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, elle veut aussi réhabiliter pas seulement la vita activa face à la vita contemplativa qui a été valorisée par les philosophes, mais aussi ce type d'activité comme le travail et l'œuvre et l'action qui ont souvent été dévalorisées, mais notamment en fait par exemple le travail, puisque comme vous le décrivez, Carole Wiedmeyer, et d'ailleurs elle le dit aussi Hannah Arendt dans le texte qu'on a entendu, le travail c'est vraiment ce qui est lié en fait au processus biologique du corps humain, donc c'est plutôt quelque chose, on va travailler en fait pour subvenir à ses besoins. Est-ce que elle essaye, Hannah Arendt, justement de réhabiliter ce travail qui en fait, subvenir à ses besoins, en fait aux nécessités de la vie, c'est un vrai enjeu, c'est quelque chose d'important en fait, c'est pas juste un besoin qu'on doit cacher. Alors, dire qu'Arendt cherche à réhabiliter le travail, c'est un peu problématique, mais c'est intéressant dans la mesure où ça vient rompre avec la lecture la plus commune d'Arendt, chez qui on voit quelque chose comme un mépris du travail, qui s'associe d'ailleurs à quelque chose qui est compris parfois comme une haine de la modernité, un désir de revenir à un mode de vie antique. C'est pas le cas du tout, hein. Il y a une admiration pour l'antiquité grecque chez Arendt, mais pas pour autant ni de mépris du travail, ni de nostalgie par rapport à cette antiquité grecque qui valorisait davantage la vie publique et la vie politique par rapport à la vie de labeur, hein, qui était celle qui était réservée aux esclaves. Donc c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'il y a non pas une revalorisation du travail, mais une considération que le travail nous met aux prises avec la nécessité de la vie, les nécessités de la vie, et que cette prise aux nécessités de la vie, elle est essentielle. Elle n'est pas suffisante, elle ne fait pas de l'existence humaine quelque chose d'assez complet ou surtout d'assez varié, d'assez divers, mais elle est essentielle. Cette triade, si on la met en relation avec les trois conditions, on se rend compte que les conditions fondamentales, elles disent d'un côté, donc pour le travail, elles disent la vie, pour l'œuvre, elles disent le monde. Et pour l'action, elles disent ce qui est entre les hommes. Donc justement, la condition de pluralité, c'est le fait que quelque chose circule, a lieu entre les hommes et qui n'est ni mondain, ni naturel. On a en quelque sorte trois strates comme ça qui se superposent. Et l'existence humaine est toujours en relation et doit en quelque sorte être toujours en relation avec ces trois strates. Mais quand je dis « elle doit », c'est pas une normativité, c'est pas « il faut absolument », mais c'est qu'il y a toujours quelque chose comme un appel à ces conditions par le biais des différentes activités. Il y avait aussi dans l'hitlérisme une utopie. C'est l'utopie d'un homme nouveau sur les ruines de l'histoire de la démocratie, de l'histoire depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Alors c'est ce que Hannah Arendt a très bien montré dans son livre sur le totalitarisme, l'idée qu'on peut faire n'importe quoi avec l'homme, qu'il y a une malléabilité de l'homme et qu'on pouvait produire selon un rêve, un autre homme qui serait en rupture avec toutes les leçons de l'histoire, le long apprentissage d'humanité jusqu'à nos jours. C'est la première fois probablement qu'il y avait une telle radicalité de la projection d'un homme nouveau. Et alors c'est pourquoi Hannah Arendt a répliqué dans son livre sur la condition humaine, montrer qu'alors il y a des grands invariants sur le travail, sur le loisir, sur l'action, sur le rapport entre la vie pratique et la vie théorique. Et la condition humaine, bon, c'est pas une nature humaine, mais c'est une sorte de stabilité d'un grand balancier de l'histoire, qui une sorte de pondération, de gravité de l'homme historique que l'on ne peut pas bousculer en créant à partir de la chimère d'un puissant un peuple nouveau. C'était une archive du 6 juin 2005, Pensée de notre temps. Lina, c'était bien sûr la voix de Paul Ricoeur qui a préfacé La condition de l'homme moderne, qui voit dans ce texte d'Arendt le second chef-d'œuvre d'Arendt, donc 7 ans après Les origines du totalitarisme qui sont parus en 1951. On a donc La condition de l'homme moderne. Ce qui est étonnant, en fait, c'est d'avoir fait dans la condition de l'homme moderne, qui s'intéresse à la vita activa, la solution, presque une forme de réponse, en fait, à la destruction de l'homme par le totalitarisme. La seule réponse, enfin la réponse principale que fournit Arendt au totalitarisme, ce n'est pas tant la pensée que justement le fait de reconsidérer la triade d'activités dont on a parlé, Caroline Meyer. Oui, la réponse consiste à penser ce que nous faisons, à redonner du sens. C'est une réponse et non pas une solution, ça c'est très important. Et l'idée de réponse, justement, elle est en lien avec cette structuration des correspondances dont je parlais tout à l'heure. Oui, Ricoeur a écrit une très belle préface hein, à l'édition française donc de Conditions de l'homme moderne. Et il a tout à fait raison de dire, et c'est finalement l'autre manière d'aborder le projet de cette œuvre-là. C'est pas seulement une réponse à la conquête de l'espace et à la bombe atomique, c'est aussi une réponse au totalitarisme. Et donc quelques années après la publication des origines du totalitarisme, il s'agit de poser la question suivante: à quelles conditions un monde non totalitaire est-il possible? Et donc c'est en reconsidérant la vita activa. C'est en reconsidérant la vita activa et c'est d'abord en considérant que tout ce qu'on peut dire, la seule chose qu'on puisse dire de la nature humaine, c'est qu'elle est conditionnée. Donc finalement, il y a un passage de la nature à la condition. Arendt signale en quelque sorte l'échec global des pensées de l'homme en tant que nature. Comme essence. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on objective, on chosifie même. Alors d'abord, c'est complètement illusoire parce que finalement, on se met à distance de nous-mêmes. On se considère comme un objet qu'on pourrait justement connaître de l'extérieur. Et cette objectivation, donc ça, c'est que je différencierais justement de la chosification, cette objectivation, elle consiste à regarder l'homme, l'homme au singulier justement, du point de vue de nulle part. Et considérer qu'il a des traits permanents, qu'il a des éléments constitutifs et que finalement tout ce qui arrive, tout ce qu'il peut faire, pourrait se déduire de ces éléments constitutifs, de ces caractéristiques premières. Or, l'enjeu chez Arendt, c'est faire en sorte de préserver la possibilité du nouveau. Et si on dit que tout peut être déduit d'une nature, dès le départ, on entrave la pensée de la nouveauté et la possibilité réelle d'agir. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à la vita activa? Parce que le problème n'est jamais simplement une affaire de représentation, mais c'est une affaire de réalité. C'est-à-dire que on est vraiment dans une situation à son époque, et on pourrait dire la même chose de maintenant, même si les conditions sont différentes, dans une situation d'impuissance politique. On se croit incapable d'agir, on se croit incapable de nouveauté. Et la démarche d'Arendt, elle consiste à dire, mais allons voir, il faut ouvrir le réel, ouvrir, pluraliser les activités pour ouvrir la mémoire. C'est-à-dire, si on croit qu'on ne peut pas agir, c'est parce qu'on a oublié qu'on pouvait agir. Oui, ça c'est intéressant parce que d'ailleurs Ricoeur dans l'archive parle d'invariants. Arendt aurait détecté les invariants des activités humaines. Or, précisément, Hannah Arendt nous montre, notamment à partir du deuxième chapitre sur le domaine public et le domaine privé, que ces domaines-là ont énormément fluctué et qu'auparavant on avait une distinction claire entre public et privé, notamment au temps des Antiques, et que à partir, d'ailleurs, c'est pour ça que ça la condition de l'homme moderne, nous avons un brouillage de cette distinction qui donne plutôt lieu à une distinction entre social et intimité. Alors pourquoi parler d'invariant ? Est-ce que c'est Ricoeur qui s'est trompé ? Non, Ricoeur s'est pas trompé, mais j'aurais pas choisi le terme d'invariant. Il emploie aussi une autre expression dans la préface où il parle de persistance des conditions. Je préfère cette expression-là. Il y a quelque chose qui persiste, c'est-à-dire qui demande à être écouté. Mais il y a des périodes dans lesquelles on écoute et des périodes dans lesquelles on n'écoute pas. Et à chaque période, il y a des choses, il y a des conditions qu'on écoute davantage que d'autres. Et la manière dont on va être à l'écoute de telle ou telle condition fondamentale de manière privilégiée va déterminer ce qu'on peut appeler chez Arendt une époque. Et c'est la différence entre période et époque. La période, c'est purement temporel, comme ça, voilà, c'est historique. Et l'époque, c'est qu'il y a des choses qui font époque. Il y a des événements qui font époque. L'ère du temps, par voilà. exemple. Il y a des systèmes de représentation qui font époque. Une époque, elle se caractérise par le fait que, voilà, on considère tous communément, même si c'est de manière aussi différente, hein, singulièrement, mais on considère communément qu'il y a des événements cruciaux qui manifestent, qui indiquent l'esprit d'une époque. Mais ça veut dire aussi qu'une époque, elle se caractérise par des manières réelles d'être au monde qui se différencient d'autres manières réelles d'être au monde qui sont celles d'autres époques. Et donc la question philosophique finalement qui traverse tout l'ouvrage, c'est la question de savoir faire la part entre ce que j'appellerais l'anhistorique et ce qu'on peut appeler l'historique. Et la réponse d'Arendt, elle est dans quelque chose comme du transhistorique. Et ça, c'est précisément cette persistance des conditions à travers toutes les modifications dans les manières dont on raisonne avec elles. Caroline Meyer, il faut qu'on écoute ce texte issu du deuxième chapitre, donc sur le domaine privé et le domaine public, ce qui va nous permettre justement de voir comment Hannah Arendt distingue les deux et comment aussi s'en est trouvé transformé ce qu'elle appelle donc la vita activa. L'apparition de la société, l'avènement du ménage, de ses activités, de ses problèmes, de ses procédés d'organisation, sortant de la pénombre du foyer pour s'installer au grand jour du domaine public, n'a pas seulement effacé l'antique frontière entre le politique et le privé. Elle a si bien changé le sens des termes, leur signification pour la vie de l'individu et du citoyen, qu'on ne les reconnaît presque plus. Dans la pensée antique, tout tenait dans le caractère privatif du privé, comme l'indique le mot lui-même. Cela signifiait que l'on était littéralement privé de quelque chose, à savoir des facultés les plus hautes et les plus humaines. L'homme qui n'avait d'autre vie que privée, celui qui, esclave, n'avait pas droit au domaine public, ou barbare, n'avait pas su fonder ce domaine, cet homme n'était pas pleinement humain. Quand nous parlons du privé, nous ne pensons plus à une privation. Et cela est dû en partie à l'enrichissement énorme que l'individualisme moderne a apporté au domaine privé. Toutefois, ce qui paraît plus important encore, c'est que de nos jours, le privé s'oppose au moins aussi nettement au domaine social, inconnu des anciens qui voyaient dans son contenu une affaire privée, qu'au domaine politique proprement dit. Événement historique décisif, on découvrit que le privé au sens moderne, dans sa fonction essentielle qui est d'abriter l'intimité, s'oppose non pas au politique, mais au social, auquel il se trouve par conséquent plus étroitement, plus authentiquement lié. Toujours un extrait de La condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt, interprété par Hélène Losser. C'est donc un extrait du chapitre 2, Le domaine public et le domaine privé, sous-chapitre L'avènement du social. C'est un texte crucial, Carole Wiedmeyer, puisqu'on comprend en fait que le social va complètement bouleverser cette répartition entre privé et public, entre d'un côté ce qui était visible du plus grand nombre, ce qui était un espace politique, un espace de liberté, et le privé, ce qui était caché, ce qui était le lieu du travail aussi, des ressources biologiques. Le social va complètement bouleverser ça et le privé va s'en trouver, notamment, on l'entend dans ce texte, défiguré, refiguré. Oui, c'est ça. Typiquement, cette question de la relation de la part d'anhistorique et de la part d'historique, on la retrouve dans cette distinction entre domaine privé et domaine public, qui est en quelque sorte une introduction au travail que mène Arendt ensuite sur les différentes activités, travail, œuvre et action. Donc on a une première approche comme ça de ce qui à la fois est permanent et persiste et en même temps se modifie selon les époques. Et là, on a aussi un très bon exemple de la richesse des textes d'Arendt et de leur difficulté. Parce qu'à la fois, on pourrait lire ici une déploration du type, voilà, c'était beaucoup mieux à l'époque mieux avant. Des Grecs, quand on pouvait, quand il y avait une distinction claire entre le domaine privé et le domaine public, entre ce qui demandait, ce qui exigeait d'être caché au regard, et ce qui demandait, ce qui exigeait d'être montré, d'être rendu visible. Et on peut supposer, voilà, que une vie humaine qui était tantôt une vie dans le domaine privé et tantôt une vie dans le domaine public était une vie plus riche. Et on a effectivement pas mal de passages hein, de Conditions de l'homme moderne qui semblent aller dans ce sens. Et on a une grande admiration d'Arendt pour la cité athénienne, le mode de vie antique, etc. Le type de liberté politique qu'on connaissait dans l'Antiquité grecque et qui est parfois d'ailleurs un peu fictionné dans le récit, la description qu'en fait Arendt. Donc on a l'impression ici qu'il y a une déploration, que le diagnostic sur la modernité, c'est un diagnostic de perte, un diagnostic purement négatif. Voilà, on a perdu cette distinction privé-public et à la place de ça, on a un domaine hybride qui est le domaine social qui vient produire de la confusion entre le privé et le public. Alors c'est vrai que le domaine social, pour Arendt, la libération du travail, la libération de toute la nécessité biologique qui vient occuper la sphère commune sans produire véritablement du commun, c'est-à-dire sans faire ni œuvre ni produire de l'action commune. Voilà, ni œuvre ni, et surtout ni action, ne préservant pas la possibilité d'un espace entre les hommes, c'est quelque chose dont on peut s'attrister. Et en même temps, dans ce même texte, on voit bien, hein, elle dit aussi que, eh bien, il y a eu à l'époque moderne un enrichissement du privé, un enrichissement de l'intimité. Donc il y a quelque chose aussi comme une découverte, elle parle un peu plus loin de découverte de l'intimité par Rousseau notamment, etc. Découverte de l'intimité, donc il y a ouverture aussi d'un espace nouveau qui devient pluriel, qui devient plus riche qu'il ne l'était auparavant. Par ailleurs, jamais on pourra soupçonner, vraiment, ceux qui pensent ça se trompent, n'ont pas bien lu Arendt, qu'il y a une nostalgie de la séparation entre les hommes libres de l'Antiquité et les esclaves. Genre, du type, ce serait bien de se débarrasser de la nécessité pour enfin pouvoir, pour certains d'entre nous en tout cas, avoir une existence politique digne de ce nom. Il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit de faire en sorte d'avoir une existence la plus sensée possible, c'est-à-dire avec des sens pluriels, et donc d'être capable de sentir, d'éprouver, d'expérimenter que nous sommes capables de faire une multitude de choses et qu'en faisant cette multitude de choses, nous appartenons à des espaces différents et nous produisons en même temps ces espaces différents. Alors on entend bien dans le texte, hein, Hannah Arendt le dit, que le privé s'oppose au moins aussi nettement au domaine social qu'au domaine politique, cette invasion en fait du social qu'on pourrait voir plutôt à l'inverse d'Arendt, hein, comme une sorte de contre-pouvoir au politique finalement. On sent quand même que là Arendt critique le social parce que il va à la fois fusionner des éléments du privé, c'est-à-dire que tout ce qui était caché jusque-là, la vie privée, les gestes comme ça, les perspectives subjectives sont véritablement montrées, et en même temps le social ne fait pas œuvre politique, c'est-à-dire ne crée pas d'action commune. Mais s'est-elle trompée peut-être sur le social en y voyant en fait une source de maux, alors que justement c'était peut-être en fait une puissance alternative à la politique qui avait jusque-là échoué et avait été perdue dans le totalitarisme? Ouais, alors ça c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on peut reprocher, on peut faire le reproche à Arendt d'avoir une lecture du social qui est un petit peu rapide. voir ça justement comme le lieu de la confusion, le lieu de l'invasion d'un domaine par l'autre, le lieu de l'indifférenciation. Oui, elle parle de elle dit par exemple pour l'avènement du social que on a remplacé en fait l'action par du comportement. Donc du coup, on a des statistiques, de l'économie qui mise sur des comportements, sur des normes. Ben, disons que, voilà, sa lecture de ce qu'elle appelle l'avènement du domaine social, c'est une lecture justement en termes d'indistinction. C'est-à-dire que vient se substituer, comme le texte qui a été lu nous le rappelle, vient se substituer à la distinction entre domaine privé et domaine public, une distinction entre intime et social. Distinction qui, dans laquelle les deux dimensions s'entremêlent, puisque l'intime, il est habité par du social, le social habité par de l'intime. Ce qu'elle voit dans l'avènement du domaine social, qui n'est pas simplement, je rappelle, un avènement des représentations, une modification des représentations, mais bien une transformation, une modification réelle, c'est que la possibilité de nouveauté que représente chaque homme, la possibilité qu'il soit un qui et non pas un quoi devant les autres hommes, se trouve réduite, voire court le risque d'être anéantie. Et elle voit le signe de cela, l'un des signes de cela, dans le fait que les actes des hommes sont vus dans certaines sciences sociales, mais évidemment elle réduit la science sociale à certains de ses aspects, sont vus comme relevant de comportements, donc de comportements prévisibles. Et le grand nombre, c'est-à-dire l'augmentation de la population, évidemment, va réduire la possibilité de la nouveauté et va renforcer la pertinence ou l'apparente pertinence de la lecture de ce qui arrive en termes de comportement. Et donc, ça produit l'impossibilité de l'action, l'impossibilité de l'événement, l'impossibilité du nouveau. Et elle lit ça aussi comme quelque chose comme une biologisation de l'existence, puisque le corps social, c'est comme un grand corps donc qui est animé d'un mouvement qui lui est propre et dans lequel les actions des individus ne sont pas considérées comme telles, ni vécues comme telles, ni considérées de l'extérieur comme telles, mais s'inscrivent dans un mouvement général. Donc ça conduit simplement à l'abandon du pouvoir d'agir, qui trouve son expression la plus forte, enfin l'une de ses expressions les plus fortes, dans la bureaucratie, où finalement l'administration des choses et l'administration des actions est laissée à de l'anonymat, comme si les choses se déroulaient d'elles-mêmes et comme si l'on ne pouvait pas intervenir dans ce mouvement qui est en quelque sorte autodéterminé. Je ne crois pas qu'on puisse parler avec le totalitarisme d'échec définitif de la politique. On a l'événement d'une perte complète de sens, l'événement d'une perte, d'une annihilation de toutes les possibilités de la liberté, et il s'agit justement d'y répondre. Et la réponse d'Arendt consiste à dire il faut repolitiser les existences, il faut recréer de l'espace politique, recréer de l'espace public. Or, le social ne peut pas le faire. Et le social ne peut pas le faire parce que le social, l'idée de, on va dire, du collectif comme étant social produit de l'indistinction, c'est-à-dire ne considère pas qu'entre les hommes il peut y avoir de l'espace. C'est-à-dire les hommes sont, jetés les uns sur les autres, pour prendre une métaphore qui est la sienne, jetés les uns sur les autres, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas la possibilité à la fois de l'égalité et de la distinction. Elle dit même aussi il y a une égalité. C'est la passion de l'égalité dont parlait Tocqueville aussi. Il y a une égalité, mais une égalité qui ne permet pas la liberté parce que c'est une égalité des conditions sous un régime qui est celui précisément d'une administration extrinsèque, qui est la bureaucratie, et qui gère nos existences sans que nous y prenions part, en gros. Elle parle aussi de conformisme, d'ailleurs, en voilà. Fait. Ce qui va régir le domaine social, c'est véritablement l'égalité, mais dans un sens très critique de conformisme. Et elle dit, à propos justement du domaine social, c'est que le domaine social, à l'inverse du domaine public, nous rassemble, mais ne nous empêche pas de tomber les uns sur les autres. l'autre. C'est-à-dire que la spécificité du domaine public qu'aimerait rétablir Hannah Arendt, ou qu'elle veut promouvoir, est à la fois un lien et une séparation. Et elle a vraiment ce très beau texte qui dit « Le domaine public, monde commun, nous rassemble, mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres. Ce qui rend la société de masse si difficile à supporter, ce n'est pas principalement, du moins, le nombre de gens, c'est que le monde qui est entre eux n'a plus le pouvoir de les rassembler, de les relier, ni de les séparer. » Étrange situation qui évoque une séance de spiritisme au cours de laquelle les adeptes victimes d'un tour de magie verraient leur table souverain disparaître, les personnes assises les unes en face des autres, n'étant plus séparées mais n'étant plus reliées non plus par quoi que ce soit de tangible. Oui, c'est ça. La condition de pluralité, elle dit à la fois l'égalité et la distinction. Sans égalité, ça, Arendt en parle dans le chapitre sur l'action, sans égalité, il n'y aurait pas de transmission possible, de communication possible par l'action et par la parole. Sans distinction, il n'y aurait rien à communiquer et rien à transmettre. Et au niveau de la compréhension arendtienne de l'espace, justement, ça veut dire l'espace du commun, l'espace proprement politique, et en fait l'espace public ou politique, c'est celui qui va faire venir, montrer le caractère commun du monde, c'est-à-dire qui va faire du monde un objet de discussion, un objet de dialogue, un objet d'échange, et qui va donc en même temps attester de la réalité extérieure du monde. Cet espace-là, c'est un espace qui à la fois sépare et relie. Arendt emploie de temps en temps cette métaphore de la table. Et en fait, la table, c'est typiquement un objet du monde, produit de l'œuvre, donc correspondance à cette condition de l'appartenance au monde. Et cet objet du monde, il contribue à produire à la fois de la distance et du lien, de la séparation et du lien, et qui permet justement la correspondance à la pluralité. Il s'agit de savoir de quoi on va parler, il faut que des choses viennent prendre place dans l'espace public. Mais pour que ces choses viennent prendre place dans l'espace public, il faut que cet espace public il soit d'une certaine manière institué. C'est-à-dire, métaphoriquement, il faut qu'il y ait une table. Et des social, objets. Des objets. Des objets, en fait, même presque, en fait, de manière de l'objectivité, presque. Voilà, presque. Et de l'objectivité. On a un concept particulier d'objectivité, en fait, chez Arendt. Hein, l'objectivité, c'est pas la mise à distance. En fait, le monde apparaît pour Arendt dans son objectivité à partir du moment où nous le regardons depuis des points de vue différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure occasion de prendre conscience ou de reconnaître l'objectivité du monde que d'avoir des avis divergents sur une chose de ce monde. Si on est tous d'accord, si on s'est vu d'un seul mouvement, d'une seule manière, si c'est simplement processuel comme un unique processus, eh bien, on a une univocité du sens, on n'a pas de perspectives différentes sur une même réalité. Ce qui atteste de la réalité d'une chose, c'est qu'on soit en désaccord sur cette chose. Et à l'inverse aussi, qu'on puisse déjà reconnaître qu'il y ait une chose, parce que l'enjeu, le problème aussi de l'intimité, c'est qu'en fait on soit tous repliés sur soi et qu'on ne partage plus rien, en fait, qu'on soit vraiment, c'est le terme d'isolement qui revient en fait chez Arendt. Exactement, c'est reconnaître qu'il y a un dehors, qu'il y a du dehors, que ce dehors il nous conditionne, et le constituer en objet de discussion et en support aussi d'action collective. Le monde commun est ce qui nous accueille à notre naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant. Il transcende notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous, il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Mais ce monde commun ne peut résister au va-et-vient des générations que dans la mesure où il paraît en public. C'est la publicité du domaine public qui s'est absorbé et éclairé d'âge en âge tout ce que les hommes peuvent vouloir arracher aux ruines naturelles du temps. Durant des siècles, mais cela est fini à présent, des hommes sont entrés dans le domaine public parce qu'ils voulaient que quelque chose d'eux-mêmes, ou quelque chose qu'ils avaient en commun avec d'autres, fût plus durable que leur vie terrestre. Rien sans doute ne témoigne mieux de la perte du domaine public au temps moderne que la disparition à peu près totale d'une authentique préoccupation de l'immortalité, disparition quelque peu effacée par la perte simultanée du souci métaphysique de l'éternité. Dans les conditions modernes, il est en vérité si invraisemblable qu'un homme aspire sérieusement à l'immortalité terrestre que l'on a probablement raison de n'y voir que de la vanité. C'était un extrait encore de La condition de l'homme moderne d'Arendt, chapitre 2, le domaine public et le domaine privé, sous-chapitre domaine public, le commun. Nous avons quelques minutes, Carole Wiedmeyer, pour commenter ce texte, mais il me semblait important de le faire en temps, notamment parce qu'on retrouve ce terme de monde, mais surtout ce terme de monde commun. Et ça, le commun, c'est plus ou égal en fait au public. C'est à la fois l'idée d'être public, visible, mais aussi de construire quelque chose qui va être durable, presque immortel. Oui, c'est un très beau texte qui permet à la fois de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous transcende, qui transcende nos existences humaines. Et ça, c'est une affaire de temporalité. On a la linéarité des existences individuelles et puis on a la durabilité du monde. Le monde, il préexiste à notre naissance, il subsistera après notre mort, mais il s'agit d'en prendre soin, d'avoir le souci du monde, c'est-à-dire le souci de quelque chose qui, par la durée, nous transcende. Et donc on retrouve ici, on trouve ici quelque chose dont Arendt parle souvent, qui est cette préoccupation qu'avaient les Grecs et que nous aurions perdu, et que nous avons perdu, cette préoccupation pour l'immortalité. Une immortalité spécifiquement humaine, c'est-à-dire la capacité qu'ont les hommes, non pas simplement de laisser une trace d'eux-mêmes derrière eux, ça ce serait justement la vanité, pas une trace d'eux-mêmes individuellement derrière eux, mais de contribuer à la permanence du monde. Et l'espace public, il a vocation ici à faire en sorte que ce monde commun apparaisse, c'est-à-dire qu'il se manifeste véritablement entre les hommes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que commun ne veut pas dire accumulation, en fait, somme des places individuelles des hommes dès lors qu'ils sortent de leur intimité ou de leur domaine privé pour apparaître en public, mais c'est véritablement, et on pourrait reprendre en fait un terme qui est propre à la sociologie et à Durkheim, c'est que les hommes rassemblés dans le domaine public forment un ensemble presque sui generis, c'est-à-dire d'un autre genre qui serait le commun. Un ensemble d'un autre genre où le commun a un lieu, et le lieu c'est l'entre, l'entre les hommes, ce qui est entre les hommes, l'espace qui sépare et relie. Tout est une affaire justement de circulation entre les hommes. L'espace public il doit favoriser justement cette circulation. Et donc dans la situation qui est encore la nôtre, justement que Arendt diagnostique comme dévoration de toutes les sphères par ce domaine social, il s'agit essentiellement de constituer de nouveaux espaces politiques. Merci beaucoup, Carole Wiedmeyer. Alors, de vous, on peut lire La fin de la philosophie politique avec un point d'interrogation, Anna Arendt contre Léo Strauss aux éditions du CNRS. L'édition française, préface, notes et co-traduction de l'allemand de Qu'est-ce que la politique de Anna Arendt aux éditions du Seuil. Et puis, bien sûr, lisez d'Anna Arendt La condition de l'homme moderne, disponible chez Kalman Lévy, traduit par Georges Fradier et avec la préface de Paul Ricoeur. Encore merci, Carole Wiedmeyer. Merci à vous. La vie privée, le domaine public, secteur privé, trésor public, chemin privé, secteur public, les places privées, les bancs publics, je ne sais ce qui est à moi, je ne sais plus à quoi j'ai droit. Je perds mon chemin quelquefois. Je ne sais plus ce qui est à moi. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Jacques Dutronc, le saviez-vous? Il a écrit, enfin en tout cas chanté cette chanson Vie privée, domaine public, et c'est l'heure maintenant de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment.